21h10 à la pendule de Radio Béton, on bascule dans le début de cette deuxième heure de l'émission Hellbanger de ce soir. Il reprend son souffle, crash 2-3 glaires, et on retrouve Thibaut pour le focus de l'aspect française. Et oui, rebonsoir, tout va bien, j'ai pas du tout mal à la gorge. On focus sur un groupe français, puisque comme tu le dis, on est dans l'aspect française, et surtout le premier refocus, car c'est un groupe qui avait eu le droit à son focus il y a quelques années maintenant, en 2020. Ça devait être un des tout premiers d'ailleurs que j'ai pu faire dans l'émission. Griffon, qui sort là son troisième album, un groupe parisien qui s'est formé en 2012. Il nous propose au sens large du black metal particulièrement mélodique. Ils ont sorti trois albums, donc comme je disais. Un en 2016 s'appelle Art à Caramel, qui était déjà un excellent album, prometteur et que j'avais déjà apprécié à l'époque, mais qui sera largement dépassé par ses successeurs. Car en termes de qualité, il semble que Griffon ne s'arrête pas dans sa progression. Un album qui était orienté, on va dire, globalement sur les mythes fondateurs des religions monothéistes. Dans leur globalité, on y retrouve pas mal de choses de thématiques bibliques et hébraïques notamment. Voilà, des sujets qui étaient abordés dans ce premier album. En 2020, ils sortent O Theos, O Basileus, un album sur le thème de la royauté de manière générale. Avec quelque chose qui commencera à devenir particulièrement grandiose et dramatique, un album que j'ai adoré, que j'écoute encore aujourd'hui. Ça a été une grosse grosse claque à son écoute, et ce n'était que le début de ce qu'allait nous proposer Griffon. Côté line-up, on va s'arrêter déjà dessus, parce qu'il y a, on va dire que c'est un agglomérat consanguin de la scène parisienne. On y retrouve en name dropping des membres ou des ex-membres de Moonrage, de Hazard, de Pensée Nocturne. On a du... Des sessions live de Mortis Mutilati. Ouais, voilà. Enfin, y a le line-up, c'est toute la scène parisienne qui se renifle les uns les autres, hein, clairement. On est servi de ce côté-là. On a notamment Aoratos, le groupe qu'on a diffusé il y a quelques temps, où on retrouve également des membres de Griffon dedans. Ben voilà, globalement, côté line-up, on est en terrain connu. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Eh ben, l'artwork qui a tapé très très très très fort sur ce second bon, effort de Griffon. Je comptais y revenir un peu après, mais oui, effectivement, bon. L'artwork de Griffon qui était splendide, signé de la main du très très talentueux Adam Burke, qui nous sublime systématiquement le travail des artistes avec lesquels il collabore. C'est splendide, et je spoil un peu, c'est l'artiste qui a fait cette pochette également du nouvel album qui vient de sortir de Griffon. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau ou est-ce que tu as quelque chose? Tout à fait, non, moi j'avais vraiment ce souvenir, le morceau qui m'avait vraiment marqué sur cet album, O Theos, O Basileus, c'était le titre Régicide, le troisième morceau. Tout à fait, ouais. C'est pas celui que t'as choisi, toi tu as choisi... J'ai hésité. Les Plaies du Trône, qui est un peu dans la même thématique. Les Plaies du Trône, qui est un petit peu dans la même thématique, et je l'ai choisi parce qu'il est en collaboration avec le groupe Worms, qui est aussi un groupe que j'apprécie énormément, qui nous vient de Orléans, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et je rebondis dessus parce que à l'époque, sur le premier album, c'est Ted de Worms qui a fait la pochette du tout premier album de Griffon. Voilà. Et au passage, ce second album de Griffon, je ne me rappelle plus si tu l'as dit, leur a permis de signer chez les Acteurs de l'Ombre. Tout à fait. C'est parti pour illustrer cette première partie de Focus consacrée à Griffon. We'll be right back. Toujours à l'écoute d'Elbanger, l'émission est-elle du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on est en plein focus sur le groupe francilien Griffon, qui nous sort là son troisième effort studio. Tout à fait, qui s'intitule De Republica. Un album qui sort donc, comme le précédent et comme tu l'as dit juste avant, sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Un album qui également est accompagné, comme on l'a un petit peu spoil, d'un artwork splendide, de nouveau signé de la main de Adam Burke. Vraiment, je m'en lasse pas, hein, son style, il donne quelque chose toujours de très charnel dans ses créations, et moi ça me parle énormément. Très riche en texture. Ouais, tout à fait. Globalement, l'album, il va s'articuler autour de la notion de la désinsurrection dans leur globalité. On retrouve notamment une chanson qui traite des Ides de Mars. On va aussi avoir une chanson qui traite de la Semaine sanglante, donc de la création et de la répression de la Commune de Paris. Voilà, donc vraiment, le thème de cet album, ce sera les insurrections, dans le sens général qu'on peut y donner. Un album qui se veut encore plus puissant, encore plus narratif que le précédent. Là, on l'a entendu dans ce morceau. On avait déjà quelque chose qui est... Bon, chanter en français, ça aide, je pense, à apprécier la narration. Mais là, on a vraiment quelque chose de narratif qui se déroule encore plus fort, toujours, toujours aussi mélodique, aussi dramatique, sans fondamentalement changer le travail de Griffon. On a quelque chose qui renouvelle encore leur discographie, qui apporte quelque chose de nouveau. Enrichir vraiment très fort. Voilà, et ils complètent pour moi leur vision avec cet album. Ça, on a encore 4 ans hein, qui se sont écoulés, c'est-à-dire que c'est un album, on est sur un rythme d'un album tous les 4 ans. Donc des albums qui, je trouve, ont le temps de mûrir, et je trouve que c'est complètement louable de ne pas sortir à un rythme effréné, mais que ça reste quand même tous les trois ans. Ouais. Tous les trois ans, c'est déjà pas mal, mais c'est pas, ils ne sont pas dans une production à la chaîne, loin de là. Que dire d'autre ? Un travail sur les arrangements qui est particulièrement agréable. Je trouve que, pareil, toujours aussi riche. Et surtout, on a beaucoup plus d'interludes dans les morceaux, des gros breaks instrumentaux, en partie, mais aussi et surtout narratif, c'est-à-dire qu'on a des moments où on a juste une voix qui raconte quelque chose. On fait le parallèle assez rapidement parce que bon, on en reparlera quand on parlera du morceau en lui-même. On a des moments un petit peu comme on retrouve dans des groupes comme FT17 où c'est juste de la narration pure et dure avec quelqu'un qui raconte une histoire avec un discours politique ou autre. Et voilà, une globalité, on a tout ça, ça donne corps, ça donne vie à un album. Et encore une fois, parce qu'on va arriver dessus, mais sur le morceau que j'ai choisi, parce que ça a été un coup de cœur absolu, il y a il y a quelque chose de paradoxalement martial, révolutionnaire dans ce qui se passe. C'est paradoxal parce que justement le morceau traite de l'anti-guerre. Mais dans l'album, il y a quelque chose, une marche en lutte, en insurrection contre quelque chose. Je trouvais ça assez marrant qu'il y ait ce petit paradoxe qui apparaisse. Et voilà, c'est que dire, c'est l'album qui a tourné en boucle ces dernières semaines chez moi. C'est la première sortie de l'année en termes de black metal qui m'accroche comme ça. Je trouve que c'est une réussite signée typiquement française dans son approche. Et voilà, moi ça me parle de haut forcément. Là, on est vraiment sur un album d'une grande qualité, je trouve, de la part de Griffon. Un reproche ? Trop court ? Voilà. Beaucoup trop court par rapport à la qualité globale du morceau. À peine 37 minutes. Putain, on aurait bien pris un ou deux morceaux supplémentaires. Ouais, mais bon, on va pas bouder son plaisir. La qualité plutôt que la quantité. Le premier morceau mis à disposition, c'était la piste 3 à l'insurrection. Et là, c'était putain, ok, vous avez mon attention. Et derrière, ils nous ont sorti le titre d'ouverture de l'album que tu as choisi de diffuser ce soir. Tout à fait, L'Homme du Tarn. Donc voilà, un titre consacré à Jean Jaurès. Tout à fait, une ode à Jean Jaurès. Le morceau, vous allez voir, quand il part, quand il y a le démarrage, on ressent, on vit les deux coups de feu qui ont tué Jean Jaurès et lancé la première guerre mondiale. Et tu le vis vraiment, le morceau, il tu est vis. Hyper intense. Et puis il y a ce putain de refrain qui reste dans la tête. Ouais, complètement. De toute façon, c'est même globalement un appel au soulèvement populaire dans sa globalité. Et c'est teinté, entrecoupé de plusieurs discours de Jean Jaurès et tout. Enfin, c'est saisissant. On vous laisse apprécier. L'Homme du Tarn, ouverture de l'album de Griffon intitulé De Republica. Thank you. À travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main. Et maintenant, voilà l'incendie. Nous avons notre part de responsabilité, mais elle ne cache pas la responsabilité des autres. Nous avons le droit et le devoir de dénoncer d'une part la sournoiserie et la brutalité de la diplomatie allemande et d'autre part la duplicité de la diplomatie russe. Yeah. 21h32 à la pendule de Radio Béton, on a fini les focus pour l'émission d'aujourd'hui. Retour à la diff internationale avec à la diff classique, pardon, avec toujours plus de recherches dans la scène hexagonale, avec tout d'abord Nemedian Chronicles. Un groupe de epic power metal qui nous vient de Toulouse, qui est actif depuis 2017 et qui vient juste de sortir son premier véritable album avec notamment pour concept Conan le Barbare, hein. Donc voilà, c'est vraiment trop épique. L'album s'appelle The Savage Sword, qui fait plus d'une heure. C'est le heavy power, pas mal inspiré par Blind Guardian des années 90, avec un chanteur qui ressemble pas mal à Hansi Kirsch. Il y a des petits relents aussi des vieux Manowar, hein, mais vraiment les Manowar les plus inspirés. Donc un groupe de ce calibre-là français, c'est assez rare, donc autant en profiter pour le diffuser. Et après Nemedian Chronicles, on s'écoutera Hysteria, c'est des vétérans qui nous viennent de la région lyonnaise, signés chez Adiposer, donc c'est dans le même secteur, qui nous font du Black Death un petit peu mélodique. Alors c'est un peu la croisée entre du Belphégor, pour ce côté vraiment Black Death, assez malsain, assez vicieux, avec la scène Melodeath scandinave, donc c'est plutôt bien fait, puis des vétérans de la scène, qui nous sortent un quatrième album qui s'appelle Heretic, Sadistic and Sexual Ecstasy, avec un visuel aussi qui rappelle notamment l'œuvre de Belphégor. Donc voilà, musicalement et visuellement, c'est très inspiré. Et on s'écoutera le morceau My Carnal Desire. C'est parti pour la doublette à venir dans l'aspect française. 21h45, bientôt à la pendule de Radio Béton. On va se faire les petites annonces de concert avant de se présenter la doublette de clôture qui va carrément même nous faire sortir de l'aspect française. Avec. On fait par ordre chronologique ? Ouais, ce sera le plus simple, je pense. Bon, et ben hop. T'as quoi, toi, du coup, sous le coude ? Et ben, on part sur le dimanche 17 mars, donc dimanche prochain. On aura le groupe Fange. Qui viendra se produire donc au Canadian pour une soirée accompagnée de Pace I Slow, un groupe qui nous propose du shoegaze. Je suis pas spécialement surpris de l'affiche, mais c'est vrai que ça va faire une affiche avec potentiellement un grand écart musical parce que Fange est pas toujours dans la douceur et la délicatesse. Ouais, même si le style musical a bien évolué, c'est vrai que ça fait quelques années que je les ai pas vus en live, donc je sais pas trop ce que ça donne à l'heure actuelle. Tout à fait, avec une évolution là sur les derniers albums vers quelque chose de plus indus. Donc à voir en live, en tout cas ce sera au Canadian. C'est une orga, une collaboration Something for the Youth et Catharsis. C'est à peu près comme d'habitude au niveau de l'organisation. Hein, ouverture des portes 19h30, début des concerts 20h30. Et prix 5€ minimum, 8€ prix conseillé pour faire vivre les associations. Comme d'habitude. Est-ce que j'ai fait le tour, je pense. Bah pour cette soirée-là, oui. Une semaine plus tard à peine, un week-end toujours au canap, placé sous le signe de Artère Souterraine, qui nous fera le plaisir d'inviter le 22 mars Toekan et surtout Otargos, le groupe de Industrial Black bordelais. Tout à fait. Dont on avait dit beaucoup de bien du précédent album. Ouais. La recette est la même, hein, 19h30 l'ouverture, les tarifs vont de 5, 8, 10 euros selon les capacités de chacun, les volontés pour soutenir, etc. ce type d'initiative. Tout à fait. Voilà, et donc le lendemain, toujours Artère Souterraine, toujours au Canadian, ils accueillent We Hold the Truth, c'est du black, ça nous vient de Nantes, et Calacea, c'est un groupe basque qui nous fait de emo post-hardcore à tendance agressive, voilà, ouais. je cherchais le mot que j'avais perdu. Au niveau des tarifs, on est sur la même gamme, au niveau des conditions horaires, etc., rien ne change sur ce sujet-là. Et je pense que c'est à peu près tout pour le mois à venir. Voilà, par contre, on a un très gros morceau pour avril. On a un très gros morceau pour avril, oui, tout à fait, Catharsis qui vient d'annoncer une date au Temps Machine. On aura le groupe Bellwitch qui sera dans le secteur. Ils sont accompagnés, j'ai mangé le nom des groupes, tu les as peut-être sous les yeux. Je les avais, je croyais que tu les avais, je les avais. Très bien. Non, tu les connais par cœur ? Hop, c'est bon, j'ai l'event en top. Bellwitch, Jade, qui du coup est une formation de data spécial, hispano-allemand. Le groupe, faudrait que j'écoute, savoir si on retrouve un petit peu une vibe justement à la Chapel of Disease ou si pas du tout. Et puis en ouverture, nous avons Dionysac, là on est également sur une formation de Doom et non, je n'ai pas l'origine du groupe. Non, j'ai pas l'impression de l'avoir non plus. C'est des Français. C'est des Français. Au niveau des tarots, 10 balles en pré-vente, ça ouvre à 19h30, ça démarre à 20h30, et ce sera dans le club du Temps Machine. Ouais, c'est ça. Après, bah, y a tous les tarifs habituels Temps Machine, les tarifs réduits, pré-vente, on est à 10€ en pré-vente, puis 12€ sur place si vous venez un peu plus tard. En tout cas, Bellwitch, c'est une expérience à vivre en live. C'est assez saisissant, hein, c'est du gros funeral doom comme il faut, et pour les avoir vus cet été, j'ai vraiment hâte de pouvoir les voir en dehors du cadre d'un festival avec des personnes avinées autour de toi. Oh, dis donc. Voilà, les voir en salle dans des conditions où tu vas pouvoir te faire transcender par la musique, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment cool. Les annonces de concerts sont faites. Place re à la musique avec du coup le doublette à venir, Salo et Stab. Salo, bon, un groupe qui nous vient de Normandie, qui est actif depuis 2019. Qui nous fait une espèce de black ned, crust, sludge avec des grosses touches indus. C'est pas sans rappeler un petit peu l'évolution d'un Fange. C'est leur tout premier, enfin leur premier véritable album longue durée après un EP sorti en 2021. Un album qui s'appelle L'Appel du Néant, qui a la particularité d'avoir une batterie électronique qui a été en fait programmé par le batteur de Venefiction. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, ça rajoute à ce côté très, très froid, très martial, viscéral, à la musique de Salo, avec à noter aussi des textes en français. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Un album qui s'appelle L'Appel du Néant. Et on s'écoutera le morceau Est-ce là mon avenir ? Et puis on va sortir de l'aspect français ensuite avec nos voisins belges de Stab, qui font dans le hardcore, un hardcore très efficace depuis bientôt 20 ans. Ils commencent à avoir une belle discographie. Ça va être leur cinquième album studio qui est sorti récemment en autoprod, qui s'appelle Street Justice. Et on s'écoutera le morceau Earth Shaker. C'est parti pour la musique. We'll be right back. Traveler pour la doublette suivante. D'ailleurs, on approche tout doucement de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir. Il nous reste deux doublettes et un groupe tout seul. Et on a encore trois nouveautés à s'écouter dans les cinq groupes que l'on va tout simplement diffuser d'ici la fin de l'émission. Traveler, tout d'abord, formation internationale. Alors, qui nous vient surtout du Canada, mais qui reste en Amérique du Nord, actif depuis 2017, qui vient de sortir un troisième album. C'est du heavy revival, hein. C'est comme il y a eu plein de groupes du Canada qu'on fait dans le revival depuis une dizaine d'années. Comme en Suède. Exactement. D'ailleurs, hein, c'est dans la veine des Riot City, Enforcer, c'est très très classique. Alors eux, c'est aussi comme pas mal de groupes, ils ont commencé en faisant du heavy assez speed, et là sur le troisième album, ils ont un petit peu ralenti les tempos, c'est un peu plus mélodique, sans non plus virer à quelque chose de trop, on va dire, commercial, entre gros guillemets, hein. Ça reste... très années 80, plutôt efficace. Un nouvel album qui s'appelle Prequel to Madness, qui est sorti chez No Remorse Records. On s'écoutera le morceau The Low. Et on restera en Amérique du Nord ensuite avec Hulder, ce One Woman Band qui est basé dans l'état de Washington. Pareil, actif depuis une poignée d'années, qui vient de sortir un deuxième album. Donc c'est une femme qui fait quasiment tout toute seule. Elle a juste en session des mecs de Funebra Room qui font basse batterie. Donc un petit peu des monstres pour l'accompagner à la rythmique. Et elle nous fait un black très scandinave, très froid, très inspiré par les scènes norvégiennes, suédoises. C'est un projet Hulder qui grimpe, hein, qu'on verra en Europe au mois de juin. Et en plus, ça sort chez Tony Buxpin. Donc voilà, un bon gage de qualité. L'album s'appelle Verses in Host et on s'écoutera le morceau Veil of Penitence. Traveler, Hulder, et non, on ne parle pas de Pestilence, c'est interdit, c'est IA ça. Allez, c'est parti. Spread it so rampant. On approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir avec une dernière vraie doublette avant de s'écouter un groupe tout seul. Doublette de nouveautés. Stygian Crone enchaîné à They Came From Visions. Stygian Crone, tout d'abord, formation américaine. Qui nous fait dans l'Epic Doom, signé chez l'excellent label italien Cruz del Sur Music. C'est un groupe formé en 2018, donc encore un groupe qui a tout juste 5 ans. Qui vient de sortir un deuxième album qui s'appelle Funeral for a King. Alors on est sur de l'Epic Doom un petit peu influencé par Candlemas Solitude Aeternus avec une femme au chant, ce qui ne sera pas sans rappeler par exemple un groupe comme Smolder, hein, c'est un petit peu dans le même esprit musical. Donc c'est Epic Doom avec des bonnes touches heavy metal traditionnelles, donc c'est plutôt bien fait. On s'écoutera le morceau Where the Candle Always Burns. Et ensuite, direction l'Ukraine pour trouver le groupe They Come From Visions, un projet pareil né juste avant le Covid en 2019, qui vient de sortir un deuxième album, The Twilight Robes. On est sur un black atmo avec thématique folk horror, donc des histoires probablement ukrainiennes, horrifiques, qui ont été adaptées en parole. Musicalement, c'est très typé Europe de l'Est, hein, c'est pas sans rappeler un Drutk. Au hasard, hein, avec des morceaux assez généreux qui font entre 5 et 7 minutes. Donc voilà, un groupe ukrainien plutôt intéressant. Et on s'écoutera le morceau Burning Eyes, Black Net Close. Et tout ça, c'est sorti à la fin février. Stygian Crone, donc, enchaîné à They Came From Visions. C'est parti. We'll be right back. Cercenatory, ça va être le titre de clôture de l'émission de ce soir. Le groupe qui nous vient de Colombie, qui nous fait du brutal death à tendance slam. C'est le second effort studio, sobrement intitulé Gorsphere. Des titres à rallonge pour un album de 33 minutes, avec un visuel dans l'esthétique parfaite du style musical pratiqué. Une sortie Comatose Music, ça a vu le jour il y a bientôt un mois. Et on s'écoute le titre Into the Gorsphere. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Si vous n'êtes pas, au Cana pour voir Fange. Ciao, ciao.